Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Y'a le shoot dans le verre, y'a les battements de cœur. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Y'a le shoot dans le verre, y'a les battements de cœur. Hey, je fais des cauchemars où tout le monde m'aime. Hey, je reviens de Dagobah, j'suis plus le même. Hey, j'annonce la couleur comme une taille pleine. Hey, je ramasse les pièces dans la fontaine. Hey, Saint-Denis c'est Tristram ou Baldur's Gate. Hey, tu rases les murs au bois de l'aftershave. Hey, je préfère War Machine, j'ai pas le cœur fake. On est 11 dans 2, c'est un farceur pay. Hey, je fais des plus 4, je fais des noscopes. Hey, je reviens 1000 ans plus tard tout niqué dans nos scottes. Hey, démarche à la John Silver. Hey, souris comme Anton Chigurh à la douane dans le Land Speeder. Hey, j'ai de l'inspi dans ma ville comme John Tolkien dans les tranchées. Hey, j'ai gardé la fiole des tus. Hey, Necromonicon sous le plancher. Hey, j't'ai pris l'élément 115, hey, avec William Birkin dans le train, hey. Dernier Jedi, dernier Gelfling, hey. J'parle en Atlante, j'parle en Elfique. T'es le roi, papa m'a dit, hey. Le plan de Scar a coulé, hey. Gestuel vieux qu'a m'a dit, hey. Gestuel à racounette, hey. J'veux ma casca, j'veux ma Lupita, hey. J'fais un croche-patte quand le roux qui passe, hey. J'marche avec gobelet d'eau qui part. J'me réveille 28 jours plus tard à l'hôpital, hey. Attiqué poisson Rinato, hey. Le jet est mental et rend accro, hey. Yeux bleus à cause d'énergie macro, hey. Le regard des autres gris ma peau. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Y'a le shoot dans le verre, y'a les battements de cœur. Oh les mains, j'veux le beurre. Sous ces airs, parce que l'Imulder bat les pattes, laisse faire, on est tous docteurs. J'traîne un banguaise, merde, j'regarde passer les gens comme j'regarde un blockbuster. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Y'a le shoot dans le verre, y'a les battements de cœur. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Y'a le shoot dans le verre. À la base, je suis discret, j'ai pas trop qu'on me voit. Quand je fais du rap, j'ai l'impression de tapiner. J'ai ramené un kill de bêcher le photographe. J'ai dit, je veux un papillon bleu sur un tapis vert. Mes proches manquent tous les jours, y'a pas d'apidé. Un refrain qui trahit, faut lapider. C'est la rue pour de vrai, la putain de ta sœur. Trois de bois dans la cova du manager. Eh, hey, photo, je construis, je fais des top 1. Je lui ai même pas mis en entier, me fait déjà des top line. 5 t'as le seum, fallait le tir. Tu te fais mêler par les petits free moon, free la Palestine. Je continue de remercier Dieu, j'avais plus de problèmes qu'un abécœur. Eh, hey, c'est le bâtiment, tout est gris. Tous les jours, je déprime à la même heure. Je suis dans le secteur gros. Pas les tu jamais fait leur chrome. Casse s'orienter en secteur pro. J'étais ni à mes c'est pas trop mon mytho au mur. Ouais c'est dommage j'ai dû les niquer mais c'est de leur faute. Tout bousillé je suis à deux doigts comme quand je mélange shit et tabac. Y'a de la bagarre je participe. On ravive le feu on l'éteint pas. Si c'est un truc de salope c'est pas nous. T'es pas un bon et encore je sais pas tout. Ils font la rue ils connaissent rien ils sont pas lourds. Dans leur clip porte ballon tremble comme si c'est pas lourd. Je traîne dans les bas-fonds sans ni c'est Kaboul. Eh, pas dossier comme tabouret jamais j'avouerai. Je marche regarde partout. Eh, j'essaye pas me faire cartoucher. Eh. Laisse faire on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Y'a le shoot dans le verre, y'a les battements de cœur. Oh les mains, j'veux le beurre. Sous ces airs, parce que l'Imulder bat les pattes, laisse faire, on est tous docteurs. J'traîne un banguaise, merde, j'regarde passer les gens comme j'regarde un blockbuster. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Laisse faire, on est tous docteurs. Y'a le shoot dans le verre, y'a les battements de cœur. Laisse faire, on est tous docteurs.